Voici Guillermo Guy. Hey, ça va les amigos? Yo. J'ai découvert un truc. Quoi, le numéro de Marine Le Pen? Vas-y, donne, s'il te plaît, donne, s'il te plaît. Calmez-vous, Nagui. Si elle a pas répondu à vos DM, c'est qu'elle est pas intéressée. Hein. Peut-être elle a pas la tête à ça. Peut-être elle a déjà un autre crush, hein, Nagui. Peut-être elle peut, il peut y avoir mille raisons. En plus, j'ai vu votre DM. Coucou, Marine, t'as pas envie, on va voir Bac Nord? Elle a sûrement déjà vu. Elle a peut-être elle a même écrit. Mais non, en vrai, j'ai découvert un nouveau truc. Les meubles. Les meubles. Comment ça? Là, les auditeurs, ils sont wow, enfin un vrai sujet de société. Ils pourraient parler sexisme, ils nous parlent lié à Baldaquin. Attendez, il y a du fond à ma chronique, franchement. C'est un petit fond. C'est pas genre un grand fond, genre Mona Chollet, elle va me reposter, tout clairement pas, tu vois. Mais il y a un petit fond de tiroir, un fond de tiroir. On m'a conseillé de la faire cette blague. C'est... Non. Okay. Bref, non. Mais ça parle de meubles. C'est dommage de pas en profiter. Alors bref, je vous ai dit récemment, je suis devenu propriétaire. Oui. Comme le sale vendu du système que je suis. Putain, si Dieu est de gauche, je suis Ken. Je vais arriver devant le paradis, il va me faire, allez, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît, vraiment. Je veux quoi, il faut une chemise. Non, il va me faire, non, il faut une dignité, vraiment. Sérieux, quand je suis arrivé sur Inter, il y a 6 ans, j'étais encore de gauche. Et là, je parle politique avec Tanguy Pastureau, je me dis, au fond, c'est pas extravagant. Ce qui est vraiment... Fermeture des frontières, retour aux francs. Allez, je crois que je suis même plus de droite, je suis suisse. Vraiment, tu sais quoi? Prochaine étape, je me tatoue le ruissellement, ça marche. Vraiment, tu sais quoi? Mais en gros, ce nouvel appart, je dois le meubler, quoi. Et mes nouveaux amis ils me font, attends, là c'est ton appartement à toi, tu vas quand même pas te meubler chez Ikea. Et c'est adorable, et il a tout. Franchement, mille fois merci, mais c'est le meilleur conseil que vous m'ayez donné depuis le fait que vous m'avez fait, ouais, fais ta blague sur le fond de tiroir, ça va tout niquer. C'est vrai, mais là, Leïla, elle m'a dit, Ikea, c'est pour les pauvres, c'est pour si tu travailles chez France Info. Elle m'a dit, toi, t'es sur France Inter, respecte-toi. Et je suis d'accord. Sauf que moi, sincèrement, en meubles, je connaissais que Ikea, quoi. Vraiment, je croyais qu'ils avaient le monopole des meubles, tu vois, comme Salakis avec la feta, quoi. Vraiment, tu vois. Ou Pachi avec la pop basque. Vraiment, pour moi, les meubles, c'était un truc qui se faisait en Suède, quoi. Point barre. Qu'un jour, l'ONU avait fait, bon, ce qui est chaud pour faire des commodes. Et la Suède avait fait, bah, vas-y, de toute façon, nous, on fout, à part Zlatan. Vraiment, donc, j'avais fait ça, nous, tu vois. Et apparemment, sauf qu'il faut chiner chez les antiquaires. Leïla, elle m'a dit, ouais, c'est là que tu vas trouver tes deux meubles principaux, ton bar et ton coin poppers. Mais c'est un monde que je connaissais pas du tout, moi, les antiquaires. C'était comme les prisons, quoi. Je savais que ça existait, mais j'avais jamais eu envie de rentrer, quoi, tu vois. Je crois que chez les antiquaires, il y avait que des bails de taxidermistes, tu vois, des têtes d'antilope chelou, là, des chiens en bronze, Patrick Sabatier, tu vois, des gens. Je crois que c'était chez un antiquaire, tu vois. Sauf qu'une fois que tu entres. Tu découvres des meubles un peu originaux et tout, tu vois, un peu disent, ah, t'es foutu quoi, tu penses plus qu'à ça, tu vois. L'autre soir, je voyais Rebecca, votre série, ça parlait de serial killer. Moi, j'étais en train de me dire, putain, elle est pas mal cette petite table basse. Je me disais pas, faut que je trouve l'assassin. Je me disais, putain, faut que je trouve le chef déco. Vraiment, tu vois. Je me dégoûte, je vais finir dans affaire conclue. C'est flag avec Sophie Davant qui va me faire, alors qu'est-ce que vous avez déliché, Ernesto? Et je vais faire, alors un petit fauteuil plus, c'est une brinque. L'assise est étonnante. Ah bah, ça nous change de la chaise Lumpini qu'on voit un peu pas. Et là, mon père, il va sortir de sa tombe, il va être une droite. Il va me dire, rappelle-toi où t'as grandi, petite merde, vraiment, tu sais quoi. Et là, c'est vrai que je l'ai, par la force des choses, je me rappelle. Genre samedi, je rentre dans un magasin de meubles où j'aurais jamais été avant, avec ma nouvelle expertise, là, mon nouveau vocabulaire. Et je fais, ouais, j'aime beaucoup cette table. Vous l'avez en d'autres matériaux? Et le vendeur, il me fait, ouais, c'est la table du showroom. Putain, je suis Jean-Pierre Bacri dans le goût des autres. Je te jure, franchement, j'ai pas les codes, quoi. Je vous promets, je savais pas qu'il y avait des marques de table. Je savais pas, moi, tu vois, que ça vendait le prix d'un scrotum. Je le sais parce que j'ai mis mon scrotum sur Vinted. Ah, c'est le prix d'une schlumpini. Vraiment, c'est infernal, l'embourgeoisement, parce que c'est sans retour. Une fois que tu sais que ça existe, une Flusenbrink, tu peux plus te contenter de ta chaise percée, quoi. Tu vois, c'est. Moi, j'avais bien ma chaise percée, tu vois, quand t'es pas dessus, tu peux jouer au mini basket avec une Granny Smith. C'est hyper bien, c'est inventif. Mais. Tu sais, je veux qu'on me fasse une Men in Black, je veux qu'on efface ma mémoire parce que je m'en battais les steaks avant des meubles et c'était très bien. Putain, vite que mon père il me mette une droite. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume.